L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. À Fontenoy-la-Joûte, le dimanche 5 et lundi 6 avril, le village du Livre lance les festivités de ses 30 ans avec un grand déballage de printemps et un salon du roman policier. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Jérémy Adam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président des Amis du Livre. Ces 30 ans, ça représente quoi pour vous ? Eh ben, c'est la suite du village, donc c'est un nouvel horizon. C'est quelque chose d'important dans cette ère du tout numérique, où les gens finalement sont bercés par les écrans, les réseaux, etc. Et là, l'idée, c'est d'arriver à se déconnecter de tout ça, à se mettre au calme et à venir flâner dans les boutiques et discuter avec les auteurs, avoir des dédicaces, voir des livres qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de découvrir, des sujets qu'on ne sait pas que ça existe, pourtant ils sont dans les librairies, au village. Fontenoy-la-Joûte, c'est combien de librairies aujourd'hui ? Si on compte donc la semaine, on va dire 4-5 à animer ça et un peu plus les week-ends. Et autrement, pour ce qui est des manifestations, donc il y a 10 bouquinistes qui sont présents pour les manifestations, plus les exposants extérieurs, donc on en aura 12-15 qui vont se rajouter, et 10 auteurs qui seront aussi présents, plus animation cuisse, culturelle, et donc ça va être sympa à venir découvrir sur place. Un grand déballage de printemps, donc là ce sera les 5 et 6 avril, c'est le week-end de Pâques, vous attendez beaucoup dimanche de monde et lundi, dimanche et lundi, carrément, donc on fait une bonne publicité, et je pense qu'on va attendre de nombreux visiteurs, et si la météo en plus est au rendez-vous, ce qui est le cas en ce moment. On espère effectivement que ça sera quelque chose de formidable. Un week-end pour faire de belles découvertes et des bonnes affaires, bien sûr, mais aussi pour vivre le salon du roman policier. À quoi on peut s'attendre pour ce salon ? C'est rencontrer finalement les auteurs de la région, faire des petites séances de dédicaces avec eux, apprendre à les connaître, discuter de leurs inspirations. Donc ça, c'est l'objectif, c'est d'aller à la rencontre, pas rester à la maison cloîtrée, mais justement de sortir, découvrir tout ça. Donc on pourra passer du temps pour flâner, découvrir, rencontrer et aussi pour jouer. Vous avez prévu un quiz spécial polar. Exactement, donc il y aura une animation quiz le dimanche l'après-midi. Ça va être sympa, c'est l'objectif de tester des connaissances sur les classiques du polar et effectivement avoir des bons d'achat à gagner pour ceux qui auront révisé leurs classiques. Donc rendez-vous pour ce grand déballage de printemps et le salon du roman policier les 5 et 6 avril. Mais les festivités des 30 ans, ça va durer toute l'année 2026. Il y a d'autres temps forts dans l'année. Le prochain rendez-vous après, ce sera quoi ? On va suivre rapidement pour le 9 et 10 mai, donc c'est le week-end d'Enfantina. Un salon spécial donc dédié à la jeunesse d'aujourd'hui et d'autrefois. Donc l'idée, c'est qu'on reste des grands enfants toujours. Ça s'annonce pas mal parce qu'il y aura aussi Laurent Cagnat, qui est le dessinateur des Schtroumpfs, qui sera là donc le dimanche 10 mai. En plus, il y a des auteurs, des illustrateurs donc de la région aussi, donc qui seront là en dédicace. En plus, il y aura des cosplayers, etc., donc avec photos, expo Pokémon, plus peut-être la compagnie aussi Minera qui viendra s'ajouter en fonction d'actions culturelles concernant le flamenco, la danse, ça va être sympa. Il y aura des ateliers aussi en amont avec les écoles. Donc l'objectif, c'est aussi de les faire venir ensuite au village, notamment le RPI de Fontenoy-la-Joûte, Glonville et Flins. Plus un lycée aussi qui sera présent, avec après ensuite une participation pour fabriquer des sculptures, des choses comme ça. Donc l'idée aussi, c'est d'associer famille rurale avec les jeunes du coin, du secteur, pour justement fabriquer des brioches, des pâtisseries, pour les vendre, pour leur voyage. Donc ça va être super sympa. Super. Et d'autres rendez-vous après, il y aura Fontenoy Fête la BD, il y aura Fête d'été, il y aura un grand déballage, ce sera plutôt en septembre, aux alentours des journées du patrimoine. Mais là, le prochain rendez-vous, c'est, on le note bien, dimanche 5 et lundi 6 avril. C'est à partir de quelle heure ? C'est 9h-18h. Il y a le repas sur place, il y a une petite friterie avec des sandwichs, avec des boissons. Donc, et puis en tout cas, il y aura de quoi se dégourdir au village parce que le temps de faire le tour de toutes les boutiques et aller flâner entre les exposants, les boutiques et voir les auteurs, il y a de quoi s'occuper. Il ne manquera plus que le soleil pour rendre ce week-end encore plus beau. Comme c'est parti, vous savez, on y croit. Parfait. Merci beaucoup, Jérémy Adam. On peut retrouver bien sûr toutes les infos pratiques sur le site villagedulivre54.fr. Il y a tous vos prochains rendez-vous. Et sur Facebook aussi, les réseaux sociaux. Facebook aussi, on poste petit à petit donc toutes les informations et vous retrouverez aussi la présentation des auteurs Ça, c'est super important, voilà, pour connaître leurs derniers ouvrages, etc. Et puis voir voilà qu'est-ce qu'ils ont écrit, un petit peu leur inspiration du moment, etc. Donc ça, c'est à découvrir sur le site. Merci beaucoup, Jérémy. À bientôt. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.